C'était un samedi soir, ton copain fêtait ses 30 ans. Tu n'avais pas le cœur à boire, c'était quand même préoccupant. Une fois tous rassemblés, ça y est, tu t'étais décidé à annoncer cette nouvelle. Je suis enceinte, dit-elle. Marion, Marion, t'es ronde comme un ballon. Tu tiens pourtant la route, c'est vrai, tu ne bois pas une goutte. Marion, Marion, t'es ronde comme un ballon. Tu tiens pourtant la route, c'est vrai, tu ne bois pas une goutte. Maintenant on comprend bien pourquoi tu ne bois pas ce soir. C'est pas que t'avais le cafard, mais du vin bébé l'en veut point. Tu vas être maman, c'est toujours aussi déroutant. Je n'y fais pas, je n'y crois pas, pourtant t'es en surpoids. Marion, Marion, t'es ronde comme un ballon. Tu tiens pourtant la route, c'est vrai, tu ne bois pas une goutte. Marion, Marion, t'es ronde comme un ballon. Tu tiens pourtant la route, c'est vrai, tu ne bois pas une goutte. Quand viendra ton bonhomme? Et c'est Alexis qu'il se nomme. Ce jour-là, on se retrouvera, les tontons, les tatis, le papa et toi. Cette cul, tu l'as bien méritée, de façon elle te pendait au nez. 9 mois sans boire pour un chihuahua, c'est un exploit. Marion, Marion, t'es ronde comme un ballon. Tu tiens pourtant la route, c'est vrai, tu ne bois pas une goutte. Marion, Marion, t'es ronde comme un ballon. Tu tiens pourtant la route, c'est vrai, tu ne bois pas une goutte.